regarder. Ouais, le méchant. Moi, j'ai jamais peur de méchant. Hein? Moi, j'ai jamais peur de méchant. Si on allume là, c'est là? Oui. Le top? Oui, B. Voilà, là, c'est éteint. Là, c'est pas le tanné. Voilà, et puis encore une fois, là, c'est éteint. Tu regardes un peu le méchant, après tu vas te coucher, d'accord? Ouais.